Chapitre 62e. 10 heures du soir venaient de sonner. La nuit était sombre, orageuse. Les sifflements du vent interrompaient seuls le morne et profond silence qui régnait dans l'hôtel de la Roche Aiguë, où il ne restait que 4 personnes. Héléna, sa femme de chambre placide, Mademoiselle de Beauménil et Herminie. Les 2 jeunes filles causaient déjà depuis 2 heures de leur passé si triste, de leur avenir si riant, et il leur semblait que leur entretien commençait à peine. Tout à coup, Ernestine s'interrompit et parut attentivement écouter du côté de la chambre de sa gouvernante. « Qu'avez-vous, Ernestine ?» lui demanda Herminie. « Rien, mon ami, » répondit Mademoiselle de Beauménil. « Rien, je me serais trompée. Mais encore. » « Il m'avait semblé entendre du bruit dans la chambre de ma gouvernante. »« Oh, la peureuse !» dit Herminie en souriant. « C'est le vent qui aura agité quelques contrevents au dehors et... » Mais Herminie, faisant à son tour un mouvement de surprise, tourna vivement la tête vers la porte qui séparait la chambre à coucher d'Ernestine d'un salon extérieur et dit « Voilà qui est singulier. Ernestine, n'avez-vous pas remarqué que l'on vient de fermer cette porte en dehors, n'est-ce pas ?» Sans répondre, Herminie courut à la porte dont il était question. Plus de doute, on avait donné un tour de clé à la serrure. « Mon Dieu !» dit Ernestine, commençant à s'effrayer. « Qu'est-ce que cela signifie ? Tous les domestiques de l'hôtel sont dehors. Ah, heureusement, il reste Placide, une des femmes de chambre de Mademoiselle Héléna. » Et Mademoiselle de Beauménil, s'approchant précipitamment de sa cheminée, sonna à plusieurs reprises. Alors Herminie se rappela les vagues inquiétudes que le marquis lui avait manifestées dans l'après-dîner, en lui parlant du rapprochement de Raville et de Macreuse. Quoique la duchesse se sentît alors saisie d'un vague effroi, elle ne voulut pas augmenter la frayeur d'Ernestine et lui dit « Rassurez-vous, mon ami, la personne que vous sonnez va nous expliquer sans doute ce qui nous étonne. Mais elle ne vient pas, et voilà 3 fois que je sonne à tout rompre !» s'écria Mademoiselle de Beauménil. Et elle ajouta, toute frémissante et à voix basse en désignant l'autre porte, qui, de sa chambre, communiquait chez sa gouvernante. « Entendez-vous, là ? Oh mon Dieu, mais on marche !» Herminie faisant un geste de doute, Mademoiselle de Beauménil prêta de nouveau l'oreille et s'écria bientôt avec une nouvelle angoisse. « Herminie, je vous dis qu'on marche. On vient, écoutez. Poussons vite ce verrou et enfermons-nous, » dit vivement Herminie en courant à cette petite porte. Mais cette porte s'ouvrit brusquement alors que la jeune fille allait y porter la main. Monsieur de Macreuse parut dans la chambre. À sa vue, Herminie fit un cri en se rejetant en arrière, tandis que le pieux jeune homme, se tournant vers quelqu'un qui restait dans l'ombre de la pièce voisine, s'écria avec un accent de stupeur et de rage « Enfer, elle n'est pas seule, tout est perdu !» À ces mots, un second personnage apparut, c'était de Raville. À l'aspect d'Herminie, il s'écria, non moins surpris et courroucé que son complice « La musicienne, ici !» Herminie et Ernestine s'étaient réfugiées dans l'un des angles de la chambre et là, enlacées dans les bras l'une de l'autre, comme pour se prêter un mutuel appui, elle palpitait d'épouvante, incapable de parler et d'agir. Macreuse et de Raville, stupéfaits puis furieux de la présence inattendue d'Herminie, qui semblait ruiner leur projet, restèrent pendant quelques moments muets et immobiles aussi, semblant se consulter du regard sur ce qu'ils devaient faire dans cette circonstance imprévue. Les orphelines, malgré leur terreur, avaient entendu l'exclamation de surprise et de regrets désespérés échappés à Macreuse et à son complice, en voyant que Mademoiselle de Beauménil n'était pas seule, comme ils y comptaient. Puis les 2 jeunes filles remarquèrent ensuite l'espèce de consternation dans laquelle le fondateur de l'œuvre de saint Polycarpe et son nouvel ami demeurèrent un instant plongés. Ces observations rendirent quelque courage aux 2 sœurs, et la réflexion aidant, elles finirent par songer que, réunies, elles étaient aussi fortes qu'elles eussent été faibles si elles se fussent trouvées séparées à la merci de ces misérables. Alors Mademoiselle de Beauménil, pensant que la présence d'Herminie la sauvait sans doute d'un grand péril, s'écria avec un élan de tendresse et de reconnaissance que ne purent paralyser l'angoisse et la frayeur qu'elle ressentait. « Vous le voyez, Herminie, toujours le ciel vous envoie pour être le bon ange de votre Ernestine. Sans vous, j'étais perdue. Courage, mon ami !» lui répondit la duchesse. « Voyez combien ces misérables ont l'air déconcertés. »« Vous avez raison, Herminie. Un jour si beau pour nous ne saurait être flétri. J'ai maintenant une confiance aveugle dans notre étoile. » Ranimées par ces quelques paroles qu'elles échangèrent à voix basse, les orphelines, fortes surtout de l'espoir d'un radieux bonheur qui les attendait, se rassurèrent peu à peu, et Ernestine, prenant résolument la parole, dit à ma creuse et à son complice « Ne pensez pas nous effrayer. Notre première émotion est passée. Votre audace ne nous inspire plus que du dédain. Dans 2 heures, les gens de l'hôtel rentreront, et il faudra bien que vous sortiez d'ici aussi honteusement que vous y êtes entrés. Nous aurons, il est vrai, à supporter pendant quelque temps votre présence, » ajouta Herminie avec une hauteur amère. « Ce seront 2 heures partagées entre le mépris et l'aversion. Mademoiselle de Beauménil et moi, nous avons subi de plus rudes épreuves. » « Quel courage, monsieur de Macreuse, » reprit Ernestine, « vous introduire avec un complice chez une jeune fille que vous croyez seule, afin de tirer je ne sais quelle lâche vengeance de ce que monsieur de Maillefort, qui vous connaît, vous a traité à la face de tous comme vous le méritiez. » Macreuse et de Raville écoutaient silencieusement les sarcasmes des orphelines et échangeaient de temps à autre des regards significatifs. « Ma chère Herminie, » reprit mademoiselle de Beauménil, dont la figure se rassérénait de plus en plus, « je vais vous paraître bien extravagante, car je ne sais en vérité si tous les bonheurs qui nous sont arrivés aujourd'hui ne me rendent pas folle. Mais enfin, tout ceci semble à la fois si odieux et si ridicule que j'ai presque envie de rire, et vous ? S'il vous faut vous l'avouer, Ernestine, je trouve aussi cela grotesque à force de platitude. Cette scélératesse, si piteuse, reprit mademoiselle de Beauménil avec un franc éclat de rire. La rage impuissante de ces ténébreux machinateurs qui, au lieu de faire peur, font rire, ajouta non moins gaiement Herminie. Décidément, c'est très amusant. Et les orphelines, dans l'orgueil, dans l'audace de leur félicité, où elles trouvaient le courage de braver insolemment le danger, se livrèrent à un accès de gaieté à la fois réelle, fiévreuse, vindicative. Réelle car pendant un moment l'ébahissement des deux complices, qui ne se croyaient pas si plaisants, fut en effet très comique. Fiévreuse car les jeunes filles étaient sous l'empire d'une vive surexcitation causée par l'étrangeté même de leur situation. Vindicative car elles avaient la conscience du coup qu'elles portaient à Macreuse et à de Raville. Ceci, à un moment déconcerté par la présence inattendue d'Herminie et par l'inconcevable hilarité des orphelines, se remirent bientôt de cette impression passagère. Macreuse, dont les traits contractés prenaient une expression de plus en plus effrayante, dit quelques mots à l'oreille de Raville. Aussitôt, celui-ci courut à la seule fenêtre qui exista dans la chambre d'Ernestine, passa autour de l'espagnolette, fermant à la fois la fenêtre et les volets intérieurs, un bout de chaîne d'acier préparé d'avance, et s'occupa de réunir les 2 derniers maillons de cette chaînette en y adaptant la branche d'un cadenas à secret. Ceci fait, il devenait impossible d'ouvrir intérieurement la fenêtre et les volets pour appeler du secours. Les orphelines se trouvaient à la merci de Macreuse et de Raville. La porte communiquant au salon avait été fermée en dehors par la femme de chambre de mademoiselle Héléna, car la sainte personne et sa suivante étaient complices du protégé de l'abbé Ledoux, mais elles ignoraient la présence prolongée d'Herminie chez mademoiselle de Beauménil. Pendant que de Raville s'occupait à la fenêtre, Macreuse, dont les traits exprimaient les exécrables sentiments, croisa ses bras sur sa poitrine et dit aux 2 pauvres rieuses avec un calme terrible « Mon premier projet est manqué par la présence de cette maudite créature » et d'un signe, il désigna Herminie. « Vous voyez que je suis franc. Mais j'ai de l'invention, un ami dévoué. Vous êtes toutes les 2 en notre pouvoir, nous avons 2 heures devant nous, et je vous prouverai, moi, que je ne suis pas de ceux dont on rit longtemps. » Ces menaces, l'accent et la physionomie de celui qui les proférait, le silence, la solitude, tout devait les rendre effrayantes. Mais une fois les choses tragiques prises au comique, tout ce qui semble devoir augmenter la terreur augmente le rire, qui devient bientôt inextinguible. Tel fut donc à peu près l'effet produit sur les orphelines par les menaces de Macreuse. Malheureusement pour sa tragédie, il fit un mouvement involontaire qui plaça son chapeau très en arrière de sa tête, ce qui donna à sa large figure, pourtant menaçante et farouche, un air si singulier que les 2 jeunes filles partirent d'un nouvel éclat de rire. Puis ce fut au tour du complice de Macreuse. les jeunes filles avaient suivi d'un regard plus curieux qu'effrayé la manœuvre de Derville, occupée de tourner sa chaînette autour de l'espagnolette. Mais lorsqu'était venu le moment de faire passer la branche du cadenas dans les derniers maillons, Derville, qui avait la vue très basse, ne put y parvenir tout d'abord et frappa du pied avec impatience et colère. Dans la disposition où se trouvaient les orphelines, l'empêtrement de Derville avec sa chaînette et son cadenas provoqua un tel redoublement d'hilarité nerveuse chez les deux sœurs que Macreuse et son complice, stupéfaits et aussi furieux, aussi exaspérés que s'ils eussent été souffletés devant 100 personnes, perdirent la tête et, emportés par une rage féroce, se précipitant sur les jeunes filles, ils les saisirent brutalement par les bras. Alors Macreuse, la figure livide, les yeux hagards, l'écume aux lèvres, mais toujours son malencontreux chapeau beaucoup trop en arrière, s'écria « Il faut donc vous tuer pour vous faire peur ?»« Hélas, ce n'est pas notre faute, » dit Ernestine en éclatant de nouveau à la vue de cette figure à la fois terrible et burlesque. « Vous ne pouvez nous faire mourir que de rire. » Herminie fit chorus. Au moment où les deux misérables, fous de haine et de fureur, allaient se livrer aux plus abominables violences, la porte du salon, fermée extérieurement, s'ouvrit soudain. Monsieur de Maillefort, accompagné de Gérald, apparut, en s'écriant d'une voix remplie d'angoisse et de frayeur, « Rassurez-vous, mes enfants, nous voilà !» Que l'on juge de l'étonnement du marquis et de Gérald. Tous deux arrivaient, pâles, effarés, comme des gens qui accouraient sauver quelqu'un d'un grand danger, et que voit-il ? Les deux jeunes filles, les joues colorées, les yeux brillants, et le sein palpitant d'un dernier rire, tandis que Macreuse et Derville restaient blêmes de colère et immobiles de frayeur à ce secours inattendu. À un moment, le marquis attribua l'hilarité inconcevable des orphelines à quelques spasmes nerveux causés par la terreur, mais il se rassura bientôt en entendant Ernestine lui dire « Pardon, mon bon monsieur de Maillefort, pardon de cette extravagante gaieté, mais voici ce qui est arrivé. Ces deux hommes se sont introduits ici par l'escalier dérobé. » « Oui, » dit le marquis à Herminie. « La clé de ce matin, mon enfant, vous savez, mes pressentiments ne me trompaient pas. » « Il faut l'avouer, nous avons eu d'abord grand-peur, » reprit Herminie. « Mais quand nous avons vu le désappointement, la colère de ces deux hommes, qui s'attendaient à trouver Ernestine seule, leur position nous a paru si piteuse, » reprit Mademoiselle de Beauménil. « Et puis, nous nous sentions d'ailleurs si fortes, réunies toutes deux, que ce qui nous a d'abord paru effrayant, nous a paru très ridicule, » ajouta Herminie. « Seulement, » reprit Ernestine, « au moment où vous êtes arrivés, M. Macreuse parlait de nous tuer un peu, pour nous ôter l'envie de rire. » Le marquis dit à Gérald, « Sont-elles assez braves, assez charmantes? En vit-on jamais de pareil ?»« Comme vous, j'admire cette vaillance, ce courageux mépris, » répondit Gérald, partageant l'émotion du bossu. « Mais quand je songe à l'infâme audace de ces deux misérables, que je ne veux pas regarder, car je ne serai plus maître de moi, et je les écraserai sous mes pieds, je... « Allons donc, mon cher Gérald, » dit le marquis en interrompant le jeune duc, « nous ne pouvons plus toucher à ces gens-là, pas même du pied. Maintenant, ils appartiennent à la cour d'assises. » Et s'adressant au pieux jeune homme et à Derville qui, reprenant leur cynique audace, semblait vouloir faire tête à l'orage, « Monsieur Macreuse, » dit le bossu, « depuis votre ralliement à Monsieur Derville, sachant de quoi tous deux vous étiez capables, je vous ai fait surveiller par un homme à moi. » « De l'espionnage, » dit Macreuse avec un sourire sardonique et hautain, « cela ne m'étonne pas. »« Certainement, de l'espionnage, » reprit le bossu. « Est-ce que l'on procède jamais autrement avec les repris de justice ? Intéressante position qu'était la vôtre depuis que je vous avais mis au pilori. »« Monsieur est justicier, apparemment, » reprit Derville en ricanant à froid. « Grand justicier, peut-être ? Grand, non, » reprit le bossu. « Je fais justice selon ma pauvre petite taille, comme vous voyez. Et le hasard se plaît quelquefois à m'aider singulièrement. Ainsi, ce matin, ce hasard m'avait fait vous apercevoir chez un serrurier. Vous lui apportiez une clé. Cela a éveillé mes soupçons. J'ai fait redoubler de surveillance. Ce soir, vous et votre complice avez été suivis jusqu'ici par deux hommes à moi. L'un est resté au dehors de la porte que l'on venait de vous ouvrir avec une fausse clé. L'autre est accouru me prévenir. » Et il est allé ensuite, de ma part, avertir un commissaire de police, qui qui en ce moment doit vous attendre au bas de l'escalier dérobé, afin de vous édifier, vous et votre digne ami, sur les inconvénients auxquels s'exposent les gens qui s'introduisent nuitamment avec fausse clé dans une maison habitée. » À ces mots, Macreuse et de Raville se regardèrent en frémissant et devinrent livides. « C'est là un cas de galère, ou peu s'en faut, je crois, » dit le bossu. « Mais M. Macreuse jouera là-haut Saint-Vincent-de-Paul, et par ses vertus chrétiennes, il fera l'admiration de messieurs ses collègues du bonnet rouge. » À ce moment, l'on entendit un bruit de pas du côté de la chambre de la gouvernante de Mademoiselle de Beauménil. « Monsieur le commissaire a vu que vous ne descendiez pas, » dit le marquis aux deux complices atterrés, « et il s'est donné la peine de monter vous chercher. C'est fort obligeant de sa part. » En effet, la porte s'ouvrit presque aussitôt, et un commissaire, suivi d'agents, dit à Macreuse et à de Raville, « Au nom de la loi, je vous arrête, et je vais, en votre présence, rédiger un procès-verbal des faits dont vous êtes inculpés. » « Allons, mes enfants, » dit le marquis à Herminie et à Ernestine, « laissons ces messieurs à leurs affaires. Nous allons attendre chez Madame de la Rochegue le retour de votre tuteur. » « La déposition de ces demoiselles me sera tout à l'heure indispensable, monsieur le marquis, » dit le commissaire, « et j'aurai l'honneur de me rendre auprès d'elles. » Au bout d'une heure, le fondateur de l'œuvre de Saint Polycarpe et son complice étaient conduits au dépôt de la préfecture sous la prévention de s'être introduit nuitamment à l'aide de fausses clés dans une maison habitée et de s'y être livré à des menaces et à des violences. Au retour de monsieur et de madame de la Rochegue, il fut convenu qu'Ernestine et Herminie partageraient l'appartement de la baronne jusqu'au lendemain. Au moment de quitter les jeunes filles, le bossu leur dit en souriant « J'ai fait beaucoup de besogne depuis tantôt. J'ai arrangé l'affaire des contrats » et ils se signeront demain soir à 7 heures chez Herminie. « Chez moi, quel bonheur !» dit la duchesse. « N'est-ce pas toujours chez les mariés qu'il est d'usage de le signer ?» dit le marquis en souriant de nouveau. « Et comme l'affection qui vous lie, vous et Ernestine, vous rend à peu près sœur ?»« Oh, sœur, tout à fait !» dit Mademoiselle de Beauménil. « Eh bien alors, mademoiselle la sœur cadette, » reprit le bossu, « la différence veut, dans cette circonstance, que les contrats soient signés chez la sœur aînée. » Le surlendemain, en effet, Herminie, radieuse, faisait d'importants préparatifs dans sa coquette petite chambre pour la signature des contrats de la plus riche héritière de France et de la fille adoptive de M. le marquis de Maillefort, prince-duc de Haumartel, adoption dont la pauvre artiste n'avait pas encore été instruite.